lafabriqueculturelle.tv. L'atelier La Mezzanine vous convie à la 5e édition de son encan bénéfice d'œuvres d'art. Pour l'occasion, plus de 25 œuvres d'artistes autodidactes ou professionnels seront mises aux enchères à un prix de départ minime. Une belle occasion de se procurer une œuvre originale en soutenant du même coup un organisme communautaire unique. Animée par Michel Marcoux, cette soirée s'adresse aux amateurs d'art, aux personnes qui ont à cœur l'organisme, mais également aux curieux qui désirent vivre un 6 à 8 ludique. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 16 novembre prochain, de 18h à 20h, au studio d'essai de la coopérative Méduse, 591 rue de Saint-Vallier-Est, Québec. Ce soir, à l'aérospatiale, les prix du Québec, un documentaire sur la collection, une rencontre avec Fiona Anis et un entretien avec Amélie Laurence Fortin. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro à la barre de cette émission du 7 novembre 2017 et toujours très heureuse de vous accompagner chaque mardi pour parler d'arts visuels avec vous. On a une émission, il faut le dire, remplie de sujets différents ce soir, quoique il y a des petites rencontres, des connexions entre certains d'entre eux, et on va commencer la soirée avec Anne-Sophie Homer qui va venir nous parler du documentaire « Je suis un homme heureux, passion, collectionneur » de Réjeanne Lamothe qui a été présenté hier soir lors d'une soirée du Club des collectionneurs en arts visuels de Québec. On traitera bien sûr, vous l'avez deviné, de collection dans ce documentaire. Mais également, on va entendre par la suite un entretien qu'Annie Cherland-Thibaudeau a fait avec l'artiste Fiona Anis au sujet de sa résidence récente à Avatar, mais aussi de son exposition Mormori, qui est présentée à la Galerie des arts visuels à compter de jeudi cette semaine. Donc, on va découvrir ça et je vous dirais, cette entrevue préenregistrée-là m'a donné beaucoup, beaucoup le goût d'aller voir l'exposition et je suis certaine qu'elle va vous convaincre aussi. Par la suite, en deuxième moitié d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir en studio l'artiste Amélie Laurence Fortin sur son expérience vraiment fascinante de résidence dans le siècle polaire arctique qu'elle a réalisé avec l'organisme The Farm Foundation for Arts and Science. On va découvrir vraiment, c'est toute une expédition dans l'Arctique qu'elle a fait pour aller recueillir des éléments pour un futur projet. Donc vraiment très hâte de discuter avec elle pour en apprendre davantage sur ce, bien sûr, contexte de création assez inusité de cette résidence. Et on termine, bien sûr, avec les événements en art visuel à ne pas manquer cette semaine avec l'agenda en toute fin d'émission. Dans un premier temps, j'avais envie de faire un retour avec vous sur les prix du Québec qui ont été remis la semaine dernière au Salon Rouge de l'Hôtel du Parlement. Les prix célèbrent cette année leur 40e anniversaire. Et lors de cette remise qui s'intéresse bien sûr à la culture et à la science, on souligne le travail d'artistes, mais aussi de chercheurs et de monde du milieu culturel qui ont laissé leur encore leur marque dans le paysage québécois. Et pour les arts visuels, c'est le prix Paul-Émile Bourdua qui est maintenant remis depuis 30 ans à un artiste en arts visuels ou un artisan en métier d'art pour souligner l'ensemble de sa carrière et de son œuvre. Donc voilà, la 30e, c'est-à-dire c'est la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec. Et il faut quand même le dire, le lauréat ou la lauréate reçoit une médaille en argent créée par un artisan. Cette année, la joaillière Catherine Villeneuve qui avait fait la très belle médaille. Également, c'est accompagné d'une bourse de 30 000 $ ainsi qu'un parchemin signé par le premier ministre et les ministres responsables des prix du Québec. Et pour ce 30e anniversaire, on a remis le prix à l'artiste Yana Sterbak, une artiste multidisciplinaire qui a touché dans son parcours à plusieurs médiums, sculpture, performance, installation, vidéo. Son nom se retrouve bien sûr aux côtés d'artistes importants parce que ce prix-là, il faut le dire, c'est des figures illustres telles Guido Molinari, Jean-Paul Riopel, Alfred Pellan, et oui, assez ironiquement, Françoise Sullivan, Micheline Beaumont, Dominique Blain, pour n'en nommer ici que quelques-uns. Mais un petit mot sur cette artiste, Yana Sterbak, qui est canadienne, mais d'origine tchèque. Elle a travaillé souvent avec des matériaux inhabituels et périssables, comme le feu, le chocolat, la glace, la sueur, les cheveux. Mais il faut dire que ces choix de matériaux-là sont toujours faits avec une grande justesse et parfaitement adaptés aux propos que tient à mettre en place cet artiste. Il faut dire que son travail questionne la condition humaine, et son sens de l'humour, qui est parfois noir, et de l'ironie, est efficacement mis au service de son traitement de l'œuvre, bien sûr, et des absurdités, de la vie. Donc, dit comme ça, c'est vraiment une démarche qui est très intéressante. Mais pour vous donner quelques idées du travail, quelques œuvres marquantes qu'elle a faites, vous avez certainement peut-être vu au Musée national des Beaux-Arts du Québec il y a quelques années l'homme générique, qui est une photographie d'un homme vu de dos, un homme dans le fond dont le crâne est rasé, mais qui porte un tatouage de code-barre dans son cou. C'est une œuvre qui a vraiment marqué l'imaginaire, justement, en 1987. Pensons aussi à toute cette idée, donc, d'un homme qui deviendrait aseptisé, qu'on deviendrait tous identiques et on serait simplement, identifié par ce code-barre, bien sûr, ici. Mais également, Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique. Vous savez, cette fameuse robe faite à partir de morceaux, de pièces de viande, de bavettes de bœuf, qui a récemment été, il y a quelques années déjà quand même, mais reprise par Lady Gaga, qui avait porté cette robe faite à partir de viande, ça avait fait tout un tollé à l'époque, là, à la fin des années 80, lorsqu'elle avait présenté cette œuvre-là sur plusieurs aspects, parce que c'est vraiment une œuvre qui est à prendre, non pas au premier degré, mais qui est très, très riche conceptuellement et esthétiquement parlant aussi, parce qu'il faut dire que cette robe accrochée sur un cintre durant l'exposition, c'est de la viande qui périssait au fil du temps. Donc, ce n'était pas que visuel, mais aussi olfactif comme visite. Et il y avait de plusieurs manières qu'on pouvait aborder ce projet-là. Et sinon, vous avez aussi Dissolution qu'on avait vu au Musée aussi national des Beaux-Arts du Québec, qui était en fait deux chaises dont l'une avait un banc et le dossier fait en verre, alors que l'autre était fait en glace. Donc, vous imaginez, au fil de l'exposition, la chaise se dématérialisait. Une des deux chaises fondait. Et c'était notamment pour parler du mythe de Narcisse. Hein, vous savez, cette figure de la mythologie qui était fascinée, omnubilée par son reflet dans l'eau. Pour rappeler l'importance de cette figure dans notre société contemporaine. Les commentaires du jury à son égard étaient de dire qu'elle était une figure emblématique de la scène artistique internationale, parce que oui, elle a mis le Québec elle a fait rayonner le Québec sur la scène internationale depuis plus de 40 ans. Et Yana Sterbak donc met en lumière le Québec, mais aussi comme un lieu de fécond de conception et de diffusion de l'art. Et son influence auprès des jeunes artistes et des critiques féminines est particulièrement importante. Alors voilà, on va même pouvoir découvrir son travail. Si vous allez dans la région de Montréal, il y a une exposition 30 ans de dessin à la galerie La Roche-Jonca, actuellement en cours jusqu'au 23 décembre. Mais aussi, cet été, il y aura une importante exposition au musée d'art de Rouyn-Noranda, qui a été l'un des instigateurs pour soutenir ce dossier de Yana Sterbak au Prix du Québec. Alors, toutes nos félicitations à la lauréate. On s'en va écouter maintenant une petite pause audio de, bien sûr, notre collègue Simon Roy qui nous propose cette semaine des extraits de l'artiste Curly Brown de l'album 87 et on s'en va écouter Our Island. Alors, je suis en compagnie de Anne-Sophie Omer. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir, Audrey. Alors, tu es allée voir ce documentaire de Réjeanne Lamothe qui était présenté hier et qui nous parle, bien sûr, de collection. Hein. On y voit notamment un collectionneur de Québec, mm-hmm. Pierre Bilodeau, qui est là. Mais on rencontre toutes sortes de monde. Enfin, je te laisse nous en glisser un mot sur qu'est-ce qui est présenté dans ce documentaire. C'est ça. Donc, effectivement, hier soir était présenté. Le titre, c'est « Je suis un homme heureux, passion collectionneur ». Et donc, Réjeanne Lamothe a suivi pendant un an un collectionneur, donc Pierre Bilodeau, qu'on voit dans différentes situations, en fait, différentes étapes de la création de l'œuvre à l'achat par un collectionneur. Et dans ce documentaire, on rencontre, en fait, on rencontre 4 ou 5 artistes qui nous parlent de leur relation, notamment avec les collectionneurs. Mm-hmm. Donc, ils parlent de la création de leur œuvre, ils parlent de la façon après de les exposer, que ce soit mm-hmm. dans des galeries ou dans des centres d'artistes, et après finalement quel est le rapport qu'ils ont directement ou indirectement avec des collectionneurs. Okay. Donc je dirais que moi j'ai regretté finalement que la forme de ce documentaire n'ait pas permis de m'apprendre ce que je m'attendais à trouver mm-hmm. En allant voir ce documentaire. Moi, je me questionne vraiment sur la place du collectionneur dans le milieu de l'art. Mm-hmm. Et finalement, je n'ai pas trouvé toutes les réponses auxquelles je m'attendais. Disons que la forme aurait pu être davantage peaufinée, les extraits peut-être un petit peu mieux choisis, parce oui. que tu me soulignais qu'il y avait tout de même un commentaire intéressant de Pierre Bilodeau qui voyage oui, beaucoup. Tout à fait. Pierre, à un moment, donc, nous emmène chez lui et nous montre sa collection. Et il dit que lui a voyagé dans plus de 50 pays. Mm-hmm. Et si on lui demande si il a encore besoin de voyager, il dit que non, là, chez lui, il voyage finalement avec toutes ses œuvres qu'il a collectionnées mm-hmm. au fil des années. Donc, je trouvais ce petit commentaire assez intéressant puisque être un collectionneur. Pour moi, c'est l'image que j'en ai, c'est ça, c'est voyager à la maison, être bien entouré de ces œuvres qu'on a choisies et qu'on aime et pour lesquelles on a investi de l'argent. Oui. C'est vrai que la position de collectionneur est toujours assez, pas problématique, mais relève soulève des questions dans le monde de l'art. Mm-hmm. Est-ce que le collectionneur passe commande? Est-ce que le collectionneur choisit vraiment ce qu'il attend de trouver chez un artiste? Mm-hmm. Il y a Cynthia Dinan-Mitchell qui dit quelque chose de très intéressant dans ce documentaire, justement, qui dit qu'elle est représentée par une galerie à Montréal et que celle-ci lui a fait rencontrer des collectionneurs qui aimaient beaucoup son travail et que finalement elle avait une certaine appréhension de les rencontrer. Mm-hmm. Et de passer du temps comme ça avec eux dans un café de Montréal et de discuter de ses œuvres, de son travail, mm-hmm. lui a beaucoup plu parce qu'elle s'est aperçue qu'elle était face à des gens qui étaient intéressés, qui aimaient ce qu'elle faisait et qui aimaient l'art tout simplement. C'est ça. Et qu'elle a pu échanger avec des gens qui n'étaient pas des artistes mais qui avaient soif de compréhension de son travail. Oui. Donc c'est des choses intéressantes. Bah, finalement c'est ça, c'est la rencontre. Hein, oui. Au bout de tout ça, qui est aussi enrichissante que ce soit pour l'artiste et ou le collectionneur finalement aussi. Oui, oui, tout à fait. C'est que dans la création, on se dit toujours à un moment, mais comment, où va finir cette œuvre finalement une fois qu'elle sera plus exposée Est-ce donner une autre vie aussi. Exactement. Oui. Mm-hmm. Voilà, donc c'est ce qu'on cherchait un petit peu à savoir hier mm-hmm. soir, en fait. Puis en même temps, je pense que ça amène aussi une autre, une autre façon de voir aussi les collectionneurs, parce qu'en même temps, souvent, on a un stéréotype, mm-hmm. hein, que c'est une personne très fortunée, qui classe ça un petit peu dans un conteneur, ben pas un conteneur, mais un entrepôt, ci et là. Alors que là, on est auprès d'un simple homme, oui. finalement, un simple oui. travailleur qui finalement a une passion, qui aime acheter des œuvres dans différents événements. Finalement. C'est ça. Et ce que tu dis est intéressant puisque le documentaire aussi nous rappelle que pour acheter une œuvre, on a effectivement les galeries, on a et aussi les encans. Mm-hmm. Qui est une belle façon également d'acquérir des œuvres d'artistes qu'on apprécie, de découvrir également. Et ce que tu nous rappelles, que être collectionneur, ce n'est pas être une personne extrêmement riche dans son coin qui collectionne ses œuvres tout seul dans son salon. Non, c'est aussi échanger dans ses encans, c'est aussi découvrir, c'est aussi justement rencontrer les artistes, puisque les encans sont une belle occasion pour ça, puisque parfois ils peuvent être présents. Mm-hmm. Et fait que finalement, ça nous montre d'autres contextes d'acquisition. Oui. Puis en même temps, ça nous permet de voir aussi qu'il est possible d'acheter des fois peut-être des plus petites pièces, mais à des prix peut-être plus abordables aussi pour toutes les bourses. Exactement. Mmh. Et puis d'enlever certains stéréotypes qu'on a pu entendre dans la salle hier soir, de dire que les jeunes ne seront pas des collectionneurs, puisque dans cette société de consommation, on est là, on achète et on jette. Mm-hmm. Dans les collectionneurs qu'on peut connaître, il y a des gens de 30 à 40 ans ou même plus jeunes qui achètent des œuvres, et des œuvres pas forcément d'un prix extrêmement élevé. Non, mm-hmm. c'est une belle façon justement de d'acheter des œuvres pour pas très cher et à n'importe quel âge. Ça intéresse toutes les tranches d'âge, je le mm-hmm. répète, parce qu'on le voit autour de nous. Et voilà, je pense qu'il faut se retirer de la tête certains stéréotypes. Oui. Ben en fait, du moins, ça soulève aussi mm-hmm. ces réflexions, ces questionnements, la discussion autour de justement qu'est-ce que c'est collectionner l'art. Et ça nous montre que finalement, il n'y a pas juste une simple façon de faire, et les approches peuvent être aussi variées qu'il y a d'artistes finalement. Oui, tout à fait. Alors Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir été voir ce documentaire pour nous. Ça fait plaisir, Audrey. À bientôt. À bientôt. On s'en va en très courte pause audio et on revient avec un entretien d'Annie-Charles Antibaudeau. Alors, on va entendre prochainement, donc dans quelques instants, la chronique d'Annie Charlotte-Thibaudeau, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, mais en même temps qui avait envie de rencontrer l'artiste Fiona Annis, qui, comme je vous le disais au tout début de l'émission, qu'elle est, dans le fond, qui va exposer ce jeudi, à partir de ce jeudi, à la Galerie des Arts Visuels, présenter une exposition Mormorie. Donc, et elle avait envie de s'entretenir avec elle, notamment pour discuter un peu de sa résidence qu'elle a fait à Québec, parce que c'est une artiste de Montréal, et elle a fait une résidence à Québec à Avatar, et ça lui a servi, bien sûr, pour cette exposition que l'on va découvrir à compter de cette semaine, donc à la Galerie des Arts Visuels. Sans plus tarder, je vais vous laisser à l'écoute de cet entretien qu'elle a eu avec l'artiste, et on vous revient là, par la suite. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de l'aérospatiale, et bonsoir, Audrey. Je me trouve présentement dans les espaces associés à la Galerie des Arts Visuels en compagnie de Fiona Annis, qui est à Québec pour préparer l'exposition Mormorie, qui sera lancée ce jeudi, le 9 novembre, à la Galerie des Arts Visuels. Bonsoir, Fiona. Salut. Afin de situer un peu les gens à l'écoute, j'aimerais que tu nous parles un petit peu des prémices du projet d'exposition qui a pris forme il y a un peu plus d'un an dans le cadre d'une résidence d'artiste au Centre Radar en Italie. Bon, pour commencer, je pourrais dire le titre de l'exposition « Mormorie ». C'est un mot, une parole en italien qui se traduit au murmure. Et c'était en résidence en Italie, j'avais envie de travailler avec le langage et de rentrer en relation avec les gens du milieu-là. Oui. Donc j'ai commencé une récolte de berceuses. OK. Puis le lien pour faire cette récolte-là, est-ce que ça a été par le biais du centre d'artistes, on a pu créer des ponts entre toi et des locaux? C'est ça. Okay. C'est un petit village, San Romano, où se passe la résidence. Oui. Et les gens du milieu sont vraiment impliqués avec le centre d'artistes Radar, où j'étais accueillie. Donc, il y avait énormément de désir de participation, oui. Qui est quand même étonnant, des fois, d'arriver d'une ville comme Montréal, où il n'y a pas nécessairement les mêmes liens qui sont forgés avec les alentours. Puis qu'est-ce qui te donnait envie de travailler à partir de la berceuse? J'ai l'impression que mon désir de travailler avec les berceuses a évolué à travers le temps. Et je pense initialement j'ai des tendances insomniaques un peu. Et je suis curieuse un peu de cette possibilité de... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être la manipulation de les états d'être, la manipulation de les états de conscience. Et je pense, à travers le temps, j'ai commencé à beaucoup apprécier la voix, le pouvoir du voix. J'ai apprécier comment les berceuses participent dans des traditions orales. Il y a un élément de patrimoine immatériel qui s'inscrit là-dedans. Mais comment aussi ça fait référence à des états de désespération aussi où j'ai l'impression que les berceuses peuvent décrire tout genre d'histoire que ça raconte des histoires différentes. C'est intéressant aussi parce que on dirait qu'à la fois c'est très singulier puis universel aussi. Mm. Un peu singulier parce que ce sont des partages qui se font quand même dans une certaine intimité, un partage de proximité, souvent entre le parent, l'enfant, le grand-parent, l'enfant. Donc, c'est des expériences qui sont un peu personnelles, mais c'est universel à la fois parce que c'est un rituel qui est tellement répandu. Oui. Donc, même par des berceuses italiennes, même si ce ne sont pas les chansons qui ont, par exemple, fait partie qui font partie de mes souvenirs de mon enfance, mais j'imagine que j'ai pas entendu ce que tu as récolté, mais j'imagine que par le ton, par la douceur, par le côté peut-être un peu, justement, un peu réconfortant, enveloppant, ben on a quand même des échos avec notre propre souvenir, notre propre rapport à cette tradition orale-là, à cette chanson, puis ça devient à grande portée à ce moment-là. Oui, oui, oui. Et c'est ça, c'est... Je pense que tu as touché à un élément intéressant aussi de comment la plupart d'entre nous ont, à un moment ou un autre dans notre vie, une expérience de recevoir une berceuse. Et à la fois, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est un peu hors du mémoire. Si tu demandes quelqu'un à te chanter une berceuse qu'ils ont connue quand ils étaient jeunes, souvent, c'est juste peut-être une phrase de chanson qu'ils peuvent souvenir. Ah ouais. C'est un peu... C'est un souvenir qui reste un peu flou quand même. À la limite du mémoire. Je pense que j'étais curieuse par cette idée aussi de... une répétition de mots qui sont chantés avec une espérance de changer, de faire changement. Et c'est un peu ça comment j'ai commencé à penser de lien entre les berceuses et les incantations ou le sortilège, par exemple. Ouais. C'est un peu hors du... contexte peut-être stéréotype du sortilège de avoir l'envie de transformer quelqu'un dans grenouille genre. Oui. Mais je pense que ça partage un lien dans les idées de répétition, parole et une intention de faire un changement d'une façon ou d'une autre. C'est un peu le lien avec la manipulation des états subtils. Puis dans le cadre de ta résidence, c'est vraiment ce que tu es allé recueillir. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que toi, t'as fait ces enregistrements-là? Parce qu'on parle de manipulation. Toi aussi, après, t'as fait tout un travail de transformation de ce que t'as capté. Donc, comment ça s'est passé, ce travail-là, ensuite en studio? Parce que je sais quand tu es venu refaire une résidence à Québec... au mois d'octobre, donc au Centre Avatar, où tu as travaillé justement là, à faire des manipulations sur les enregistrements audio. Donc, comment ça s'est passé tout ça? C'est ça. Depuis que je suis revenue de la résidence, j'ai continué la collection. Donc, j'ai maintenant une diversité de berceuses dans plusieurs langues. OK. Et j'ai amené cette matériau à Avatar, où j'ai eu l'opportunité d'avoir un soutien technique incroyable que et comment j'apprécie cette résidence à Avatar. Je suis peut-être un peu hors de mon son de connaissance. Je suis plus dans la création d'images que de travailler avec le son. Donc, d'avoir une expertise, d'avoir des guides là-dedans était vraiment, vraiment super. Tout le support, là. Donc, c'était à Avatar que nous avons fait un peu de mastering des fiches, de travailler avec toutes les fiches de son et ensuite de penser à une mise en espace. Oui, parce que c'est ça, tout ça va prendre forme, va devenir une exposition. Donc, à quoi on peut s'attendre aussi dans la Galerie des arts visuels pour l'exposition qui commence ce jeudi? Ce serait une multiplication de voix. J'étais curieuse de qu'est-ce qui est possible avec une installation sonore qui n'est pas possible... avec une personne même. OK. Qu'est-ce que de le numériser, de le rendre dans un format technique, c'est quoi le potentiel de faire ça au lieu de genre inviter les mondes là pour chanter à nous? Oui. Donc c'est ça un peu la motivation fondamentale qui m'a guidée à travers la conception technique de l'installation. Donc, c'est ça, c'est la multiplication de voix, et c'est ça qui touche un peu au titre de l'exposition, le murmurier. C'est ça de créer une super imposition de voix, dans la possibilité que nous sommes un peu entourés. J'apprécie le mot que tu as utilisé tantôt, enveloppé. Donc, puis à ce moment-là, est-ce que les paroles, est-ce qu'elles deviennent un peu plus masquées dans cette superposition-là? C'est ça, on n'est pas dans un récit très très clair là, dans un peu dans l'optique de ce que tu nous disais tout à l'heure là, le souvenir un peu plus flou, donc en superposant ces voix-là, en créant un motif sonore aussi qui se répète, ben ça nous, j'imagine que ça nous amène dans le même moment justement qui nous berce mais qui est un peu flou, qui nous fait justement là, faire la transition vers un autre état. C'est ça un peu l'espoir, les intentions de l'exposition, c'est à voir un peu dans le montage comment ça se réalise. Je sais pas encore le vécu, le vu, c'est un peu ça, la curiosité et la potentielle d'être invité, de monter un projet inédit. Ça laisse beaucoup de liberté à ton projet pour prendre forme dans l'espace. Oui. Donc, à travers les prochains jours. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci, Fiona. Puis, on pourra découvrir donc l'exposition dès ce jeudi, le 9 novembre. Le vernissage est à compter de 17h à la Galerie des Arts Visuels. Puis, l'exposition, bien, elle se poursuit ensuite jusqu'au 17 décembre. Donc, on invite tout le monde à se présenter puis à pouvoir te rencontrer. Tu seras présente, j'imagine, jeudi. Je suis là. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Fiona. Merci à toi, Annie. Alors, on remercie beaucoup Annie-Charlène Thibodeau pour cette très belle rencontre avec l'artiste Fiona Annis. Et si ça vous a pas donné le goût d'y aller, ben enfin, vous êtes difficile parce que moi, j'ai vraiment hâte de découvrir cette exposition à la Galerie des Arts Visuels. On s'en va en pause publicitaire et on vous revient de l'autre côté avec Amélie Laurence Fortin. RL.QC.CA. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. La mort dans la vie, c'est une bonne affaire quand ça arrive aux autres. Tranche Q, c'est 14 personnages qui montent aux barricades pour clamer haut et fort ce qu'ils pensent de l'humanité. C'est une pièce tranchante comme un couteau bien affilé. Les mots de Jean-Philippe Barry-Guerrard dans une mise en scène d'Angélique Patterson. Tranche Q, une présentation du collectif de feu du 6 au 16 novembre au bar spectacle Le Quartier de Lune. Billets disponibles sur lepointdevente.com. Le 7e art est à l'honneur durant une heure. Tous les mardis, 18h30, en direct de la Ninkasi, au 811 rue Saint-Jean. Ici Pierre Blais. Toute l'équipe de Situation Critique vous y attend chaque semaine pour discuter de cinéma avec des critiques et des entrevues au menu. C'est un rendez-vous. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. On entame bien sûr cette deuxième demi-heure sur les ondes de CKRL avec notre invitée, l'artiste Amélie Laurence Fortin. Bonsoir Amélie. Salut Audrey. Alors, on avait vraiment hâte, plutôt je devrais dire j'avais vraiment hâte de te rencontrer parce que ça fait longtemps qu'on a planifié cette rencontre-là parce que tu es allée faire une résidence quand même particulière, dans un contexte pas tout à fait facile pour une artiste ou bien même n'importe qui, là, faut le dire, une résidence dans le cercle arctique polaire. Exactement. Ouais. Et puis, tu as d'une vingtaine de jours à peu près et tu as été, je pense, à bord d'une goélette. Exactement. Où tu as finalement fait un projet de recherche, de création, bref, on en parle un peu plus amplement parce que ça m'intriguait vraiment beaucoup quand tu m'as présenté la chose. Peut-être on pourrait y aller d'entrée de jeu. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cet appel assez particulier de The Farm Foundation for Arts and Science? Ben moi j'aime ça l'aventure, Audrey. Oui. Donc ça fait longtemps que je suis fan de plein air, que j'ai travaillé à insérer le paysage dans mes recherches, mais pas seulement en étant intéressée par le paysage, mais en me mettant dans des situations particulières pour y arriver, pour comprendre un aspect puis avoir un regard très personnel par rapport au paysage. Donc il y a 5-6 ans, j'étais allée faire des grandes expéditions en kayak, en survie, sur des 3000 km dans l'océan, dans les océans Pacifique et Atlantique, puis qui m'ont servi à faire des corpus d'œuvres, dont Le roc étincelant, qui est un corpus qui s'est terminé en 2016 mm-hmm. avec une exposition que j'ai présentée à B312 à Montréal, qui s'appelait 125 heures. Et puis, quand je suis arrivée à la fin de ce projet-là, même au début de 2016, au moment où j'étais en train de travailler sur 125 heures, je me rendais compte que j'étais à la fin d'un cycle, mm-hmm. Que je pouvais plus travailler à partir de l'expérience de l'Alaska ou l'expérience de Terre-Neuve, donc ces deux océans-là, et puis que je devais absolument me ressourcer puis rencontrer un nouveau paysage pour changer la forme de mon travail. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le contexte qui m'a amené à appliquer. Ensuite, on se dit tout ça là, dans la résidence, une des premières choses qu'on se disait tout le monde, c'est comment t'as trouvé la résidence, puis moi, c'est comme un hasard, là. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé la journée de la date limite d'application. Puis, souvent le cas, hein? Ouais, puis c'est comme c'est un gros défi, puis c'est un défi cette résidence-là, parce que c'est un défi financier aussi, parce que c'est dans un lieu tellement éloigné que mm-hmm. ça n'a pas les mêmes conditions que ce que le Conseil des arts et lettres du Québec prévoit pour des résidences d'artistes, par exemple. Donc il y a beaucoup d'investissements personnels qu'il faut, il faut beaucoup d'engagement. Mm-hmm. Donc je me suis quand même posé la question pendant 30 secondes, puis après ça je me suis dit ok, c'est bon, j'ai la journée pour appliquer, puis je l'ai eu, ce qui est magnifique. Oui, puis en même temps, c'est pour les gens qui te connaissent, c'est tout à fait toi aussi. Tout à fait, ouais. Ah, vraiment. Puis il faut peut-être présenter aussi ton travail, les grands éléments de ta démarche artistique aussi, parce que les sciences naturelles, faut le dire, c'est un peu la base aussi de ton travail. Oui, effectivement, je suis très les sciences naturelles, c'est pour moi. C'est comme les arts visuels, là. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une fascination pour des phénomènes. Mm-hmm. Puis les scientifiques, dont les grands scientifiques qu'on admire, ont tous commencé à un moment donné à regarder des aurores boréales, puis trouver ça vraiment, vraiment fascinant. Puis se demander pourquoi les aurores boréales existent. Mm-hmm. Puis une fois qu'on comprend que ce sont des particules de soleil qui tombent sur la stratosphère, puis c'est les champs magnétiques du soleil, en fait, qui créent ces lumières-là, puis dont les sons aussi qui sont associés, ben là, il y a tout un monde de recherche infinie qui peut se faire. C'est ça. Donc, c'est un peu, les sciences naturelles, c'est un peu la première magie mm-hmm. qu'on a démystifiée avec tout le règne de la science, qui est magnifique par ailleurs, mais qui est démystifiée de plus en plus, mais ça reste des événements magiques. Puis moi, j'aime associer les deux parce que j'aime ça, c'est tout. Hein? Oui, oui. Et puis, c'est ce qui est intéressant aussi avec cette résidence-là, c'est que ce n'est pas qu'une résidence d'artistes. Il y a toutes sortes oui. de monde oui. qui sont là-dedans, des chercheurs, oui. des auteurs, des géologues. Bref, on fait vraiment des croisements entre art et science, comme le dit le nom oui, de cette fondation-là. Tout à fait, puis ça fait du sens pour moi, parce que ça fait, tu sais, pour répondre un peu à la question d'avant que j'ai pas bien répondu, j'ai l'impression, il y a aussi, ça fait 4 ans que je travaille avec des scientifiques pour mes projets. C'est pas toujours un apport très proactif, des fois c'est juste des réflexions que j'échange, ou des dialogues, ou des questions, ou des conseils, mais depuis quelques années, j'ai un physicien, une astrophysicienne, un botaniste de l'Arctique par ailleurs, qui ont collaboré mes projets, et d'autres, des ingénieurs, etc. Donc pour moi, ça faisait tout à fait du sens aussi d'aller rencontrer des gens qui allaient pouvoir me dire ce qu'ils voient. Mm-hmm. Parce que moi, je suis artiste, donc je regarde un peu plus la poésie du monde, si on veut. Puis le géologue, lui, ou l'architecte, ou le mathématicien, qu'est-ce qu'il voit, lui, dans le paysage? Mm-hmm. Ça me fascine. Donc, pouvoir être à côté de quelqu'un qui me dit, moi, ce que je vois, c'est la couche jurassique du paysage, puis ça me... nanana, puis m'explique que le jurassique voulait dire quoi dans la géologie, puis quand est-ce que c'est arrivé, puis etc., etc. Quand je peux avoir des explications sur le paysage, on dirait que ça ouvre mon imagination. Mm-hmm. C'est comme si j'avais plus de possibilités pour inventer parce que j'ai un nouveau territoire qui s'ouvre. C'est ça, c'est un terrain de jeu finalement qui s'ouvre par tout la à fait. Suite. Ouais. Puis sur le bateau, ben il y avait pas de géologue par exemple, là je parle de géologie mais il y avait pas de géologue. Donc il y avait trois écrivaines, il y avait une architecte incroyable, il y avait un ingénieur en réalité virtuelle, il y avait deux mathématiciens. J'en oublie là, il y avait des réalisateurs, il y avait des performeurs, des danseurs, des artistes en arts visuels, des gens des métiers d'art aussi. Wow, ça doit être extrêmement stimulant au quotidien d'être entouré de tous ces gens-là. Comment ça se passe? Je sais pas s'il y a une journée type lors de cette résidence-là, mais comment ça se passe au juste? C'est toujours la même chose un peu, même si c'est jamais la même chose. Mais on avait toujours le déjeuner à 8 heures, le premier meeting avec la guide coordonnatrice puis les trois autres guides. Donc, on était entouré de 4 guides. Donc, on avait un meeting à 9 heures où on nous expliquait en fait où on était, c'était quoi on c'était toujours en anglais, fait que j'ai les mots en anglais dans la tête, mm-hmm. Mais les landings quand on allait sur le sol, donc de quel genre de territoire on allait à rencontrer, quelles allaient être les limites aussi de ce territoire-là. Donc ensuite vers 10 heures, on se préparait à entrer dans les zodiacs, mm-hmm. Pour nous amener du bateau sur la terre, et puis ensuite on revenait 3 heures plus tard, on mangeait. Ensuite, on retournait jusqu'à 5 heures sur la Terre, soit au même endroit ou à un autre endroit. Mm-hmm. Puis ensuite, on revenait le soir et puis on avait les présentations. Donc, on devait tous présenter nos recherches. Donc, le soir, il y avait un certain nombre de présentations. Ensuite, c'était libre. Et ensuite, ça recommençait comme ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps mort, puis pas beaucoup de sommeil non plus. Oui, mais reste que quand même, finalement, vous êtes, en quelque sorte, pendant ces 3 heures-là, entre les repas, lâchés lousse. Oui. Puis vous faites... Finalement, vous explorez, vous regardez des éléments qui vous accrochent. Oui. Toi, dans le fond, qu'est-ce que tu as fait pendant ce projet-là, finalement? Moi, je suis allée enregistrer des sons. Je suis pas une artiste sonore à la base, donc la raison pour laquelle je suis allée enregistrer des sons, c'est parce que je me demandais comment j'allais pouvoir travailler à partir de l'article. C'est-à-dire que j'avais pas envie de prendre l'article comme une matière première, mm-hmm. et puis de m'en servir comme territoire ou comme paysage ou comme décor pour faire des photographies, par exemple. Je me suis demandé beaucoup, pendant un an et demi, je me suis demandé beaucoup comment j'allais travailler sur ce territoire-là tout en étant proactif puis en ayant un résultat. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est en n'étant pas proactif puis en ne cherchant pas de résultats que j'allais obtenir le maximum de mon expérience. Donc, en écoutant le territoire, en étant à l'affût de tout ce qui se passe, en rencontrant le territoire sans jamais vraiment le regarder, je l'ai imaginé autrement. Mm-hmm. Donc, c'est ce que je suis allée faire. Imaginer le territoire. Oui. Alors, de tout ça, tu es revenue avec de nombreux extraits sonores, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses ou c'est vraiment l'aspect sonore qui t'a omnubilé tout le temps, occupé tout le temps, si je peux dire? Oui, occupé tout le temps, vraiment, parce que quand j'étais allée en Alaska en 2010 pour faire une expédition, j'allais faire cette expédition-là pour aller ramasser du matériel pour compléter mon mémoire de maîtrise, compléter mon travail de maîtrise. Et puis je me suis rendu compte que dans l'action, j'avais beaucoup de difficultés à créer sur place, mm-hmm. mais j'étais meilleure pour aller collecter des informations sur place. Donc en allant chercher des sons, je savais que j'allais ensuite pouvoir travailler à partir de ceux-ci pendant longtemps. Oui. Donc mon objectif, c'était d'être là et d'être le plus grand livre ouvert du monde, d'être l'éponge la plus éponge possible. Puis l'immersion sonore, je pense que c'est la façon d'être le plus immersif dans une expérience. Ben justement, si tu veux, on va aller écouter un petit extrait très court d'un son qui t'a vraiment accroché. On va aller écouter ça. Alors, Amélie, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? C'est vraiment intriguant, ce son-là. Oui, c'est intriguant. C'est tellement... On se demande qu'est-ce que c'est. C'est quasiment quelque chose de spatial, un peu. Oui, c'est complètement intriguant. Puis, juste avant d'expliquer c'est quoi, il faut savoir que moi, quand je suis partie là-bas, je voulais absolument enregistrer soit les sons des aurores boréales ou soit pouvoir me mettre en situation d'enregistrer les sons de la magnétosphère, qui sont des sons spatiaux. Mm-hmm. Puis, j'ai pas pu avoir les machines, j'ai pas pu avoir les objets, les machines pour le faire. Donc, j'étais un peu déçue, mais je me suis dit, c'est pas grave, je pars dans l'aventure de toute façon. Puis une journée, on s'est retrouvés devant un glacier. Puis près du glacier, il y avait un lac gelé, un petit étang gelé. Puis on a commencé à lancer des roches dessus. Comme ça, comme les enfants font. Mm-hmm. On fait tous ça, en fait. Oui. Et puis, on a commencé à lancer des roches dessus, puis c'est le son qu'on a obtenu. Puis le son qu'on entend en ce moment, c'est pas un son particulièrement bien enregistré qui fait qu'on entend une vibration particulière. C'est un son qui est dans l'air. Mm-hmm. Donc, c'est le son que tous mes compatriotes pouvaient entendre aussi. Donc, c'est complètement fou parce qu'en fait, on a lancé des roches pendant à peu près 40 minutes. Okay. Parce que c'était incroyable. On se disait, OK, ben, ça va durer 2-3 secondes ou c'est peut-être les roches qui sont plates. Non, finalement, toutes les roches faisaient ce son-là. Mmh. Donc, depuis, je suis dans cette obsession incroyable de reproduire ce son incroyable. Donc, je me suis assise depuis mon retour, depuis une semaine, je me suis assise avec des physiciens, je me suis assise avec des ingénieurs de son pour comprendre comment ça marche. Exact. Et justement, avec tout ce bagage que tu ramènes, qu'est-ce qui t'attend pour le retour, là? Parce qu'il y a quand même des choses de prévues. Oui, il y a des grosses choses de prévues, là. J'ai vraiment hâte, moi aussi, de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Puis, je suis excitée vraiment, vraiment beaucoup. Puis, j'inviterai les gens à suivre, justement, ces expositions-là ou mes résidences pour vraiment voir qu'est-ce que je vais avoir fait de cette aventure-là. En premier lieu, je vais avoir une résidence chez Avatar où on va essayer de décortiquer, travailler les sons que j'ai récoltés, puis aussi en produire d'autres. Mm-hmm. pour une exposition qui s'en vient à Axe Néo 7 à Gatineau, que je vais partager d'ailleurs avec Annie Charlotte Thibodeau. Ah, donc ben tiens. Annie va avoir une salle, moi j'en ai deux autres, et puis ça va être précédé de 2 mois de résidence où je vais vraiment travailler dans l'espace puis essayer de faire le premier jeu sonore d'ingénierie et de jeux sonores dans l'espace d'Axénéo, puis probablement autre chose, là. C'est en développement. Je suis inarrêtable. Oui. Et il n'y a pas aussi une possibilité d'un petit livre? Oui, exactement. On travaille sur un livre avec une collègue artiste qui s'appelle Audrey Demers-Roberge. Puis au début, on avait eu des sous de première ovation pour le faire, puis finalement, vu photo a embarqué. Donc, on travaille sur ce livre-là qui devrait sortir au printemps, en fait. Puis c'est sûr que ça va parler aussi de l'Arctique, mais pas seulement, parce qu'on a toutes les deux une recherche sur le paysage qui est diverse, là. Mm-hmm. Eh bien, vraiment, c'est super. Vraiment, je suis ravie de t'avoir reçu. J'aimerais ça t'en parler plus. Ben oui, parce que là, je vois que le temps file, mais on va suivre ça, c'est certain, au fil des prochains mois, justement, comment tout ça va s'élaborer. Mais je sais que tu avais fait aussi une page Facebook relativement à ton aventure là-bas. On peut quand même aussi, j'invite les gens à aller voir cette page-là, parce que quand même, ça rapporte des petits éléments de toi en plein processus créatif là-bas aussi. Oui, puis ce qui est bien, juste avant que tu termines, là, dans cette résidence-là, on était sur un bateau, on était sur un voilier, donc une goélette voilier, puis on avait beaucoup d'exercices de maritime, donc on était des moussaillons aussi. Oui. Donc ce jeu-là du moussaillon, on le voit sur ma page Facebook qui s'appelle « Autour du cercle polaire arctique », et puis on peut voir nos exercices de voile, quand on tirait les voiles aussi, quand le bateau est tout ouvert, parce qu'il faut savoir, on a navigué plus que la moitié du temps à voile, donc c'est tout un travail physique sur le bateau aussi. Oui. Eh bien, je te remercie vraiment beaucoup. On sent que ça a été une expérience vraiment enrichissante et stimulante pour toi, et ça nous donne le goût, là, justement, de suivre tout ce projet-là, comment ça va aboutir dans différentes façons, là, de différentes représentations. Vraiment, merci beaucoup, Amélie, d'être venue nous en parler. Merci de m'avoir reçue, Audrey, vraiment. Super. Et on invite, bien sûr, les artistes à postuler pour cette résidence, pour vivre. Tout à fait. Est-ce que c'est une date fixe toujours, à chaque fois? Toujours toujours en janvier. Toujours en janvier, donc sachez-le, soyez avertis, vous pouvez préparer déjà votre dossier pour le mois de janvier. Donc, on s'en va en courte pause audio et on revient avec l'agenda de la semaine. Alors, on termine comme à l'habitude avec les événements à souligner cette semaine en art visuel. Donc, ce jeudi 9 novembre, je vous rappelle qu'à partir de 17h, vous pouvez rencontrer Fiona Anis à la Galerie des arts visuels pour découvrir cette exposition Mormori dont on a parlé un peu plus tôt précédemment. Donc, un projet aussi qu'il faut souligner qu'elle a réalisé en collaboration avec la Chambre Blanche et bien sûr Avatar. Sinon, ce vendredi, c'est une soirée bien chargée. Dès 17h, il y a le lancement exposition de Carnet sans période de Samuel Breton à la galerie Michel Guimont. Donc, on va lancer ça, mais toute la fin de semaine, donc c'est vraiment d'une très courte durée, on va pouvoir découvrir ce magnifique cahier de dessins de l'artiste de Québec, Samuel Breton. Vraiment un artiste, je dois dire, dont j'apprécie beaucoup le travail et dont les cahiers de dessins aussi sont vraiment magnifiques. Alors, ça sera à découvrir à la galerie Michel Guimont. Sinon, de l'autre côté du fleuve, au centre Regard, toujours à partir de 17h, va avoir lieu le vernissage de l'exposition « Prête-moi l'oreille, Lend Me Your Ears », regroupant les œuvres de Karen White et de Florence Yee. Ce sera également aussi le vernissage de l'exposition « Montre-moi ce que tu as dedans » de Bernard Hamel sur la côte de Beaupré, donc juste à côté de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré à la galerie Ni Vu Ni Cornu à partir de 17h30. Et sinon, pour terminer la soirée en beauté, ce sera la fête dès 20h à la salle multi de Méduse avec le grand banquet du 33e anniversaire de Folliculture qui a invité 33 personnes de tous les horizons pour venir animer ce grand banquet qui revient sur les 33 années des interventions donc de Folliculture dans la ville de Québec, dont des gens qui ont été associés au fil de ces années-là à l'organisme. Et on sait que ça ne sera pas du tout banal. On m'avait dit que je pense qu'il n'y a rien à manger, mais c'est un banquet d'idées, de poésie, de proclamations. Enfin, on a bien hâte de découvrir ce que ces invités auront à nous dire au cours de la soirée. Donc, on souligne un très joyeux anniversaire à Folliculture. Sinon, ce samedi 11 novembre aura lieu le lancement de Bill Automobile, le premier disque de l'orchestre d'hommes orchestre et également du recueil de textes et d'images Pas encore mort de Laurence Brunel-Côté et Chloé Surprenant. C'est à l'espace Parvis en formule 5 à 7 sur la 8e avenue à Limoilou. Donc, il faut dire, c'est conçu, ce disque-là est conçu comme une sorte d'encyclopédie non exhaustive du travail sur les vivants de l'ODO, donc l'Orchestre d'Hommes Orchestre. Et ça rassemble des œuvres glanées ici et là au fil des années, donc des projets, chansons, pièces instrumentales, performances, élucubrations sonores. Donc, vraiment, ça va valoir la peine d'aller voir ça, donc, ce samedi. Et à partir de lundi 13 novembre, il sera possible de voir l'exposition de Nathalie Quagliotto à la galerie Espace Parenthèse, dont le vernissage aura lieu le jeudi suivant. Et c'est la dernière semaine pour aller faire un tour du côté de la Galerie 3 pour l'exposition de Grim Patterson, pour aller découvrir aussi le travail récent d'Evelyne Boulva à la galerie Lacerte Art Contemporain. C'est comme ça que se termine cette émission, cette édition du 7 novembre. Je vous invite à consulter notre page web, l'aérospatiale, ckrl.wordpress.com pour toutes les informations de l'émission, mais aussi la balado-diffusion. Et également, je vous invite à suivre notre page Facebook et Instagram. Un grand merci à nos invités, Fiona Anis, Amélie Laurence Fortin, ainsi qu'à nos chroniqueuses, Anne-Sophie Homère et Annie Charland Thibaudeau. La mise en onde de cette émission est assurée par Jacques Gignac, le Serge Lemoine de la console. Salutations et remerciements à Jean-Tienne La France, ma comparse de cette émission qui nous écoute toujours en direct de Matane et qui collabore à l'émission malgré les 400 kilomètres qui nous séparent d'elle. Demeurez à l'écoute car de l'autre côté de la pause, Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique qui est en direct de la Ninkasi Saint-Jean. Et moi, je vous dis bonne semaine à tout le monde et à mardi prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 89.1. L'Harmonie de Charlebourg, sous la direction musicale de François Dorion et l'Association des traumatisés crâniens des Deux-Rives, s'unissent pour vous présenter le concert Italia. Voyagez au rythme d'art italien tel que la Piccola Suite Italiana de Franco Cesarini, Vésuvius de Frank Ticheli et bien d'autres. Le concert Italia de l'Harmonie de Charlebourg le 18 novembre 20h à l'église Saint-Jérôme de Charlebourg. Réservation au 418-660-7544. Informez-vous sur harmoniedecharlebourg.ca/billetterie et sur leur page Facebook. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, Salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. CKRL est en nomination dans la catégorie Radio de l'année au prochain gala de l'alternative musicale indépendante du Québec et c'est le temps de voter pour votre radio. Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca pour tous les détails. Vous pouvez voter jusqu'au 10 novembre. Aidez CKRL à remporter le premier prix de Radio de l'année au GAMIC. Cet automne, dans un monde où le malheur persiste et s'impose. Je veux être professeur. Professeur de piano, Patrice. Découvrez la tragique histoire de Jacqueline Bel-Enfant et son désir de changer de vie. Il est sourd pour vrai, là. Comment voulez-vous qu'il joue du piano, madame? Une histoire d'espoir. Non.